Scène 2. La scène représente une chambre de la maison du Père Ubu, où une table splendide est dressée. Père Ubu, Mère Ubu. Eh, nos invités sont bien en retard. Ouais. Par ma chandelle verte, je crève de faim. Mère Ubu, tu es bien laide aujourd'hui. Est-ce parce que nous avons du monde ? Merdre. Tiens, j'ai faim. Je vais mordre dans cet oiseau. C'est un poulet, je crois. Il n'est pas mauvais. Que fais-tu, malheureux ? Que mangeront nos invités ? Ils en auront encore bien assez. Non, je ne toucherai plus à rien. Ta mère Ubu va donc voir à la fenêtre si nos invités arrivent. Je ne vois rien. Pendant ce temps, le père Ubu dérobe une rouelle de veau. Ah ! Voilà le capitaine Bordure et ses partisans qui arrivent. Que manges-tu donc, père Ubu ? Rien. Un peu de veau. Ah, le veau ! Le veau, il a mangé le veau ! Au secours ! De par ma chandelle verte, je vais arracher les yeux. La porte s'ouvre.